Obetere fo, catere fo, catere fo. Foxy la yere sans fait. Katere Foxy la gigi. Why pam pam pam kawere.